que je viens de très loin, de Buenos Aires, de Mexico, de Barcelone, de Chilin. La vérité, c'est que je suis un joyeux putain de Trump. Dis donc, moula africain. Je chasse le tigre et l'éléphant dans la télé bleue jungle. Et la tribu des chauves à côté veut manger des enfants tout crus. Mais je ne suis pas africain, je suis âgé au bout de ton. Autour du monde et au coin de la terre, au fin fond de la planète, au creux du globe terrestre. Autour du monde et au coin de la terre, au fin fond de la planète, au creux du globe terrestre. 1, 2, 3, hello. I just want to say that I love America. And soon the world will become a great big fucking America. What a bad guy just will be tourist and fucking crazy man, but keep cool. Because America will be there for you. Just for you, fuck you. Oui, yo, j'ai fait du kung fu et du karaté. Je suis un ninja et un judoka. Mais ça, c'est le week-end, pas de compte, man. Je vais de là-bas pour faire des autos. Pendant les vacances, je visite la France. Je prends des photos pour monter à Tokyo. Mais encore une fois, j'ai fait le malin, car je suis un coquin et un bout de train. Autour du monde et au coin de la terre, au fin fond de la planète, au creux du globe terrestre. Autour du monde et au coin de la terre, au fin fond de la planète, au creux du globe terrestre. 1, 2, 3. Oh bah oui, mais là la cadence c'est trop rapide. On peut pas ralentir? Ah bah voilà, bah je suis perdu dans mon texte maintenant. Voilà, je vais directement réciter la fin de mon texte. Je suis dans le bout de train. La vérité la voilà, c'est que je suis foncé. Je vous ai roulé, fait palpiter, mais les bernés ça c'est français. Un pain coupé du muscadé, ça c'est aussi français. Et sous mes airs de gentleman, je suis un joyeux bout en train. Autour du monde et au coin de la terre, au fin fond de la planète, au creux du globe terrestre. Autour du monde et au coin de la terre, fin fond de la planète, au creux du globe terrestre. Autour du monde et au coin de la terre, au fin fond de la planète, au creux du globe terrestre.